Pierre Cardinal, Père Cardinal, Tartaras n'y vautour. Tartaras n'y vautour, nous sommes plus les carnes pudentes, comme clair et présicadour, sentons nous ne sommes maintenant sous ses privates, et quand malauti albat, fan li far d'une siou, tal que parent nous yan prou. Français éclairent l'aujour des mal, car ben nous rempren, et renouvière, et tradchour en tout le siècle et samen, car mentir est abbarat, ainsi tout l'un tourbat, que nous y a religieux, que nous sapt chassa les sous. Saps qu'en devient la ricour de celles qui la malamente, viendra une forte raubadour, que nous l'oulai sera ret, soit la mort qu'elle s'abat, cap catraunas de filat, l'usramet en tal mazou, una trobon ne mal prou. Homme, perché fas tal furur que passe sur le mandament de Dieu, que c'est un seigneur et ta fumat de nien? La troja ten el mercat, celle que sap Dieu si combat, qu'elle n'aura tal guisardou, comme Judas, le felou. Deus verais, plens de doxur, Seigneur, si a nous guirent, gardats d'enferrar dolour, pecadours et de turment, et soulevet l'us del pecat, et que son pres eliat, et fais l'ulverai perdu, ab vera confessiu.